Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Pour compléter le sujet de la khutbah d'aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, qui est un sujet entre guillemets d'actualité, beaucoup de personnes sont touchées par la mauvaise compréhension à propos de cela, les visions en rêve, la manière de se comporter face à ces visions, qui était le sujet de la khutbah d'aujourd'hui, comme vous avez pu entendre. Parmi ce que l'on a évoqué pendant la khutbah, le fait que les visions en rêve sont vérité. C'est-à-dire que parfois elles se réalisent. Elles sont une vérité. Elles proviennent d'Allah. Elles sont aussi une fraction, une partie des 46 fractions, des 46 parties de la prophétie. De même qu'elles font partie de l'Mubashirat, elles sont annonciatrices de bonnes nouvelles. Et comme on l'a évoqué aussi, il faut savoir que ce ne sont pas toutes choses que la personne voit en rêve qui est de cet ordre-là. Et on a évoqué ici les hadiths qui montrent que ces visions en rêve sont de trois sortes. Ces visions en rêve sont de trois sortes. Comme dans ce hadith que j'ai évoqué, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, dans un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, à l'approche de la fin des temps, la vision du musulman n'est que peu mensongère. C'est-à-dire que, bien souvent, sa vision se réalise. Celui dont sa vision sera la plus véridique est le plus véridique d'entre eux. Ceci de manière générale. Ce n'est pas quelque chose qui est effective sans condition, mais de manière générale. Celui dont sa vision sera la plus véridique est le plus véridique d'entre eux. Et la vision du musulman est une part de 45 parts, dans une autre version de 46 parts, de la prophétie. La vision est de trois sortes. C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens. La vision est de trois sortes. Une vision pieuse, qui est une bonne annonce provenant d'Allah. Un cauchemar triste, venant de Shaitan, et une vision à propos de ce à propos de quoi la personne pensa alors qu'il était éveillé. Si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, qu'il se lève, qu'il prie et qu'il ne rencontre rien à personne. Nous voyons aussi donc la différence qu'il y a entre ces trois sortes de rêves, ces trois sortes de visions que tu vois lors de ton sommeil. La première qui est une vision pieuse, qui est une bonne annonce provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième, le cauchemar, Al-Hulm, qui vient de Shaitan, ceci afin d'attrister les fils de Adam, afin d'attrister les êtres humains. Il lui fait voir des choses ou par lesquelles il essaye de lui nuire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith comme dans d'autres hadiths, comme on va l'évoquer ici, nous a enseigné comment se préserver de cette nuisance lorsque tu vois ce cauchemar, entre guillemets. Et la troisième, une chose que la personne, à propos de laquelle cette personne avait réfléchi, avait pensé durant la journée. Il y a pensé fortement et il en vient à la voir pendant son sommeil. Donc ce n'est pas toute chose que tu vois dans ton sommeil qui rentre dans la portée de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle fait partie des 46 factions, des 46 parties de la prophétie. Il convient aux musulmans de savoir cette chose-là afin de faire la différence entre ces différentes sortes de rêves. Ceci est très important. Et pareil, on a vu ensemble certains comportements à adopter lorsque tu vois la première ou la deuxième ou la troisième sorte. Lorsque tu vois la première sorte, tu la raconteras à une personne que tu aimes. Tu la raconteras aux gens que tu aimes. C'est-à-dire la vision pieuse provenant d'Allah, tu la racontes aux gens que tu aimes. Et si tu veux l'interprétation de cette vision, tu la raconteras à qui ? À une personne qui connaît les interprétations, une personne qui est savante des interprétations. Ceci est très important, comme on l'a vu ici, car l'interprétation des rêves, c'est une fatwa. Comme dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ya ayu al-mala, la parole de al-malik, dans surat Yusuf, ce roi, ce souverain, qui a dit ya ayu al-mala, oh, vous les notables, ya ayu al-mala, aftouni fi ru'yai, in kuntum li ru'ya ta'burun. donnez-moi la fatwa, donnez-moi l'explication de ce que j'ai vu en rêve, si vous faites partie de ceux qui donnent l'explication des rêves. Ceci est très important. Donc, l'interprétation des rêves est une fatwa. Est-ce que tu vas demander le fatwa à n'importe qui en religion ? Plutôt, tu vas demander à une personne qui connaît cette chose, qui est savante de cette chose à propos de laquelle tu vas demander le fatwa. Donc sachez que l'interprétation des rêves est une fatwa. Ni tu la demandes à quelqu'un qui est ignorant de l'interprétation des rêves, ni tu ne te la demandes à ta propre personne. C'est-à-dire certaines personnes, lorsqu'ils se réveillent et pensent, on va dire comme cela, pensent, puisque ici ce n'est pas tout le monde qui connaît la différence entre ces trois sortes de choses que tu vois en vision pendant ton sommeil, que l'on vient d'évoquer. À partir du moment où la personne aura eu connaissance de ce hadith, il sait faire la différence entre ces trois choses. On dirait une personne qui sait faire la différence. Donc, lorsqu'il se réveille, qu'il voit une vision pieuse, qu'il a vu une vision pieuse, il se l'interprète lui-même. J'ai vu telle chose, ça veut dire telle chose. Non. Là, à ce moment-là, tu t'es demandé le fatwa à toi-même. Ce n'est pas comme cela. Donc, tu évoqueras cette vision, si tu désires son interprétation, tu évoqueras cette vision à quelqu'un qui est savant de cette interprétation et une personne de confiance qui ne répétera pas cette vision à n'importe qui. En revanche, si tu vois une chose qui rentre dans le cauchemar, dans la portée du cauchemar, de ce que Shaitan t'a fait voir pour t'attrister, à partir de là, quel est le comportement ? Le comportement qui a été évoqué ici dans ce hadith, tu ne le raconteras à personne. Même pas à une personne qui a la science de l'interprétation des rêves. À personne. Deuxième chose, tu te lèveras et tu crachoteras trois fois à ta gauche. Troisième chose, tu te lèveras, tu feras tes ablutions. Ensuite, tu prieras. Et une dernière chose qui a été rapportée, donc ces trois choses ont été rapportées dans le hadith, ou ces quatre choses ont été rapportées ici dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, et dans une version, dans une narration rapportée par Ibn Majah, une version authentique, il a rapporté l'ordre de se changer de côté. C'est-à-dire que si tu étais allongé sur le côté droit, tu t'allongeras du côté gauche, et vice-versa, de changer de côté. Et dans cette version rapportée par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin que après cela, cette chose ne lui nuira pas. Donc lorsque tu auras suivi ces comportements légiférés, lorsque tu auras suivi ces comportements légiférés, prescrits par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera une cause de préservation. Ce sera une cause que tu ne seras pas atteint par la nuisance de ce cauchemar. Car beaucoup de gens, et ceci est le but de Shaitan lorsqu'il te fait voir ou lorsqu'il vient pour te faire voir ces cauchemars, qu'il te rende triste, qu'il joue avec toi, qu'il te dupe. Au point que lorsque tu te réveilles, eh bien, tu ne feras pas telle chose ou tu feras telle chose en fonction de ce que tu auras vu la nuit en cauchemar. Tu feras attention à telle chose ou tu avanceras vers telle chose en fonction de ce que tu auras vu en cauchemar. Tu seras triste et tu seras mal toute la journée. Mais si tu fais ces comportements, si tu appliques ces comportements prescrits par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a promis dans ce hadith, à ce moment-là, cette chose, ce cauchemar ne te nuira en rien. Donc ceci est la manière que tu as de te préserver. Il y a d'autres manières aussi que tu as de te préserver de ces cauchemars, comme je l'ai évoqué dans la khutbah d'aujourd'hui. Premièrement, dhikr, l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le dit Allah azza wa jal dans le sens de ses paroles, ou comme il le dit ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, donc dans le sens approximatif de ses paroles, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Donc ceci est une cause de préservation pour toi, d'être préservé de Shaitan, de ses insufflations et de ses pièges, ceci même pendant la nuit. Donc si tu pratiques régulièrement l'évocation d'Allah, azzawajal, et tu multiplies l'évocation d'Allah, dhikr, c'est une chose qui te permet de te renforcer contre Shaitan, ses insufflations et son emprise sur toi, ceci même pendant la nuit. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiqua, nous orienta vers plusieurs causes, comme par exemple l'évocation, multiplier l'évocation, de même que des paroles et des actions, comme par exemple tous ces adhkar, toutes ces évocations et ces invocations que tu fais avant de dormir, de même que certaines surat ou certaines soirs à réciter avant de dormir, de même que certaines postures à prendre au moment de dormir, de même que de faire tes ablutions avant de dormir et toute autre chose qui font partie des recommandations prophétiques qui seront pour toi une forteresse par laquelle tu te renforceras ou derrière laquelle tu te renforceras contre Shaitan et ses pièges et ses influences. Aussi, ayyuha al-ikhwa, parmi ces choses très importantes, je vais faire bref ici, simplement des choses qu'il est important pour le musulman de connaître, car beaucoup de personnes, comme on l'a vu ici dans la khutbah, comme je l'ai évoqué, tombent dans des erreurs à propos de l'interprétation des rêves. Et au point que certaines personnes très mal intentionnées ont particularisé des chaînes télévisées, spécialistes de l'interprétation des rêves, des numéros de téléphone que tu appelles si tu veux l'interprétation de ton rêve, de même que des magazines, des journaux, de même que des endroits spécialisés où tu te rends pour que tes rêves soient interprétés. Et comme on l'a dit pendant la khutbah, ceci est uniquement afin d'attirer les foules et de manger les biens des gens sans droit. Et il ne nous est pas parvenu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient cela, faisaient des assises générales où les gens venaient et évoquaient leurs rêves et ces derniers les interprétaient. Plutôt, il est même rapporté, ou ce qui est rapporté donc de plusieurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, qui interprétaient les rêves, et ceci, lorsque tu regardes les textes, tu vois qu'ils étaient très peu. Si ceci était très peu, ou si ces derniers étaient très peu, à cette époque-là, qui est la meilleure des époques, qu'en est-il de notre époque? Comme il a été rapporté, comme dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, cette parole où une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter un rêve. Et Abu Bakr, qui était présent, le très véridique de cette communauté, As-Siddiq, radiyallahu anhu, était présent à ce moment-là et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi interpréter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissa interpréter, puis Abu Bakr interpréta. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Tu as eu raison sur une partie de ce que tu as interprété et tu as eu tort sur une partie de ce que tu as interprété. As-Siddiq, le plus savant de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il d'autre que lui qui est moins savant et moins pieux et moins vertueux que lui? Donc, ces personnes qui font des endroits, qui particularisent des endroits ou des chaînes télévisées ou des magazines, etc., etc., ceci est uniquement afin d'attirer les foules et de manger l'argent des gens sans droit. Faites bien attention à cela, ayyuhal ikhwa. De même, comme je l'ai évoqué, le fait que l'interprétation des rêves est une fatwa, donc on n'accourt pas vers n'importe qui. De même, il faut savoir que l'interprétation des rêves, le fait d'interpréter les rêves, ou avant cela même que le musulman fasse attention et porte son attention sur la vision qu'il a vue pendant la nuit, lorsque cette vision est une vision pieuse, ceci est quelque chose de légiféré. Certaines personnes se trompent en disant que, quoi qu'il en soit, quoi que je vois pendant la nuit, je n'y prête aucune attention. Non, on a vu que ceci est une des 46 parties de la prophétie. Il convient donc aux musulmans de faire attention, de porter son attention sur ce qu'il voit la nuit, lorsque ce qu'il voit la nuit, lorsque ce qu'il voit en rêve, est de l'ordre de ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire de ce qui vient d'Allah, de ce qui fait partie des bonnes annonces venant d'Allah tabaraka wa ta'ala pour le croyant. Donc il portera un intérêt. Et lorsqu'il verra l'importance ou lorsqu'il verra la nécessité de cela, il la racontera donc à une personne qui fait partie des gens de confiance, savant de l'interprétation des rêves. Nous voyons que cet intérêt sur les visions a été porté par, en premier lieu, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait une attention particulière à ce qu'il voyait en rêve, bien sûr, car ceci, comme il l'a dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, c'est une des 46 parties de la révélation. Donc, sans aucun doute, comme je l'ai dit dans la khutbah, la vision, les rêves des prophètes et messagers sont de la révélation, font partie de la révélation, ont une part de la révélation. Et comme nous le voyons, comme dans ce hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari et autres, la première révélation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Ar-ru'ya saliha fil manam. La première, les débuts de la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des visions qu'il voyait en rêve. Donc sans aucun doute, les visions des prophètes et messagers est une vérité et c'est une révélation. De même, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui lui-même dans son sahih a écrit un chapitre entier qu'il a appelé Kitab al-Ta'bir, donc le livre ou le chapitre de l'interprétation des visions. Et il rapporta maintes et maintes hadiths dans ce chapitre Le premier hadith qu'il rapporta est ce hadith de la première révélation qui fut révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la vision pieuse en rêve. De même que l'imam muslim a écrit un chapitre à propos des rêves, à propos des visions en rêve. Donc nous voyons que ceci est une chose qui est connue chez les savants de l'islam, de porter une attention particulière sur ces rêves, lorsque ces rêves sont de l'ordre, bien sûr, comme on l'a évoqué, de ce qui vient d'Allah, et non de ce qui provient de Shaitan, ses cauchemars, et non aussi de ce que la personne a pu penser pendant la journée. Faites bien attention à cela, une personne pense fortement à une chose, il pense toute la journée, puis la voit en rêve, et pense que cette chose-là est une bonne annonce. De même, ceci est très important pour les personnes qui sont éprouvées par le fait de regarder des films, des séries télévisées, etc., etc., etc. Ils sont touchés par ça toute la journée, ils regardent ces choses-là, et pendant la nuit, ils voient soit une chose qui est pour eux, ils pensent être une chose bonne, annonciatrice, ou une chose qui est de l'ordre du cauchemar. Sans aucun doute, ceci ne fait pas partie des bienséances qui sont à adopter afin d'éviter que Shaitan joue avec toi en te faisant voir des cauchemars. Si tu regardes ce que les gens appellent les films d'horreur ou ce genre de choses, et tu vois ces choses-là pendant la nuit, ceci n'est pas étonnant que Shaitan joue avec toi. Tu ne t'es pas préservé de cela. Pareil, lorsque tu regardes ce genre de choses et pendant la nuit, tu vois telle et telle chose que tu as pu voir dans la journée, dans ces choses qui traitent de je ne sais quoi. Donc à partir de là, tu vois ces choses-là, tu penses être, que cette chose-là est une bonne annonce, alors que c'est une chose que tu as pensé, que tu as regardé toute la journée. Donc il faut bien faire la différence entre ces choses-là. Donc, nous voyons que dans ce chapitre du Sahih de l'imam al-Bukhari, il rapporta plusieurs ahadiths. Parmi ces ahadiths, l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rêves de plusieurs de ses compagnons, de même que sa propre interprétation de ses propres rêves, et ceci en présence de ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans l'un de ses sous-chapitres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'interpréter les rêves après la prière de l'Fajr. Il s'asseyait avec ses compagnons après la prière de l'Fajr et il avait l'habitude de dire « Qui d'entre vous a vu un rêve cette nuit ?» Et lorsque quelqu'un venait le voir et lui disait « J'ai vu telle chose », le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interprétait ou ne l'interprétait pas. Mais il écoutait ce que ses compagnons ont vu la nuit. De même que lui informait de ce qu'il a vu en rêve, car comme on l'a dit, ceci fait partie de la révélation. Donc il les informait sur la révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci était une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait, et il fait partie de la plus grande fausseté de faire l'analogie entre cela et entre ce que font certaines personnes de faire des assises générales et d'attirer les gens et de leur dire « Dis-moi ce que tu as vu en rêve » et d'interpréter les rêves de cette manière-là pour de l'argent ou gratuitement. De faire une analogie entre ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur qui était révélé à ce moment-là, et n'importe qui parmi les personnes lambda qui n'ont aucune science sur l'interprétation des rêves. Une autre chose, il faut savoir, comme on l'a vu dans le Coran, dans la sourate de Yusuf, que les visions des enfants est comme la vision des grandes personnes. Donc un enfant peut voir une vision qui sera une vision de vérité pendant la nuit, comme c'était le cas de Yusuf alayhi salam lorsqu'il était jeune, cette vision qu'il a vue et qui s'est réalisée plus tard, comme on l'a vu dans la khutba. De même que la vision d'autres que eux, de même que la vision d'une personne non musulmane peut être une chose qui se réalise par la suite, peut être une vérité. Ceci peut arriver éventuellement. Il n'y a rien qui n'empêche cela. Comme on l'a vu aussi, la vision qui est appelée le hulm est venue qui vient de Shaitan, qui est une vision que l'on appellera le cauchemar, et qu'il convient donc face à celle-ci d'adopter les comportements qui nous ont été évoqués par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que cette dernière ne nous nuise pas. Et la personne qui n'a pas adopté ces comportements et qui, lorsqu'elle s'est réveillée, a rappelé aux gens de sa famille, aux gens qu'il connaît, le cauchemar qu'il a fait, puis est touché par ce cauchemar toute la journée, y pense et en devient triste et autre que cela, qu'il ne blâme que lui-même, car il n'a pas suivi les bienséances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, ou vers lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté. Et à l'inverse, si cette personne suit ses bienséances, sans aucun doute Allah tabaraka wa ta'ala l'aidera à ne pas faire attention à ce cauchemar et même à l'oublier. Aussi, ayyuhal ikhwa, comme je l'ai dit, il convient à la personne de porter une attention particulière sur ses rêves, lorsqu'il est sûr que ce rêve vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, que c'est une bonne annonce venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ne pas lui donner une importance plus haute que ce que notre législation lui a donné comme importance. Ceci est très important, car certaines personnes s'accrochent à leurs rêves. Si cette personne est sûre que ce rêve vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et que c'est une bonne annonce, il s'accroche à ce rêve-là et il cherche par tous les moyens à ce que ce rêve-là se réalise et il n'avance pas un pied, si ce n'est pour que ce rêve se réalise, cette chose qu'il a vue pendant la nuit se réalise et ne recule pas un autre pied, si ce n'est pour ne pas louper cette chose qu'il a vue en rêve. Ceci est de l'exagération. Et nous voyons dans cela la parole de certains de nos compagnons, de nos pieux prédécesseurs, pardon, Ridwan Allahi Alim, qui disait « Man ta'allaqa birru'a fahuwa dal » Celui qui s'accroche, qui accroche son cœur à une vision ou aux visions, cette personne-là est égarée. C'est un égarement évident. Tu vois une vision, tu te fais la bonne annonce. Si cette vision arrive, alhamdoulillah, on espère de toi que tu rentres dans la portée du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui est le plus véridique parmi les musulmans est celui dont sa vision sera la plus véridique, c'est-à-dire celui dont ses visions se réalisent. Et ces visions sont les plus véridiques. Mais tu ne t'accrocheras pas à celle-ci, tu ne lui donneras pas une importance plus haute et plus grande que ce que notre législation a donné comme importance. Ici, je terminerai, ayyuhal ikhwa, pour ne pas prendre trop de votre temps, hafidhakumullah, par une erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes, le fait de se reposer sur des livres édités qui traitent de l'interprétation des rêves. On a dit que ces chaînes télévisées traitant de l'interprétation des rêves, ces numéros de téléphone que tu appelles pour qu'on interprète ton rêve, etc., ces magazines, etc., tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas légiférées. Il faut prendre garde vraiment à ces choses-là. Ce sont des moyens par lesquels les gens mangent vos biens sans droit. Et ce sont de l'imposture évidente. Mais il y a aussi ces rêves qui sont édités, ces livres, pardon, qui sont édités, qui traitent de l'interprétation des rêves, que certaines personnes ont à côté d'eux, à côté de leur livre, comme livre de chevet par exemple, et dès qu'ils se réveillent, ils ouvrent le livre et ils cherchent l'interprétation de ce qu'ils ont vu pendant la nuit. Il y a beaucoup de gens comme ça malheureusement. Et ceci est une erreur, car en réalité, c'est, comme on va le voir ici, les règles concernant l'interprétation des règles, des rêves, pardon, sont des règles générales. Il n'y a pas de règles précises qui, toutefois, à chaque fois que tu auras vu cette chose-là, eh bien, ce sera l'interprétation telle. De même que ces règles générales s'appliquent de manière générale. Ça veut dire que pour une personne particulière, il est possible que cette vision que tu auras vue dans ton rêve, eh bien, sera différente, diffère pour toi d'une autre personne. Donc, ce sont des règles générales qui s'appliquent de manière générale et non particulière. Donc, à chaque fois que tu liras une chose, tu dis, c'est cette chose-là que j'ai vue, donc ça veut dire cette chose-là. Et comme on l'a vu, ce sera une fatwa que tu te donnes à toi-même alors que tu ne fais pas partie des gens qui sont spécialisés dans la science de l'interprétation des rêves. Et ces livres qui sont édités, je ne connais pas un livre qui est édité, qui a été écrit par un savant réellement de l'interprétation des rêves. Oui, Mohamed ibn Sirin, il faisait partie des grands parmi nos salafs, radhiyallahu anhum, nos prédécesseurs, était quelqu'un dont il est rapporté, ou à propos de qui il est rapporté, qu'il avait donné des paroles au sujet de l'interprétation des rêves. Mais tout ce qui est rapporté dans ce livre qui est édité sous le nom de l'interprétation des rêves, sous le titre de l'interprétation des rêves selon Mohamed ibn Sirin, ceci n'est pas authentique, n'est pas rapporté de lui de manière authentique. Donc il convient de délaisser cette chose-là, ce livre-là, ou d'autres que ce livre-là. Concernant les règles à propos de l'interprétation des rêves, je terminerai sur cela, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps les femmes, ceci est important, ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a rapporté dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. I'lam al-Muwaqqi'in. Il rapporta rahimahullah ta'ala certaines règles générales sur l'interprétation des rêves. Vous voyez que ce grand imam, Ibn al-Qayyim, qui est connu et reconnu, lui-même a parlé de cela. Donc ce n'est pas une chose qu'il convient de délaisser, comme certaines personnes disent, les rêves, je ne lui donne aucune importance, je ne leur donne aucune importance. Non, il rapporta certaines de ces règles. Il dit que Bien sûr, ces règles sont une partie parmi les parties de la prophétie. Et c'est une sorte de révélation. Il dit qu'elles sont construites, donc les règles de l'interprétation des règles, des rêves, ou l'interprétation des rêves elle-même est construite sur l'analogie et les exemples. L'analogie et les exemples. Et le fait de mettre en relation une chose palpable avec une chose non palpable. C'est-à-dire, il dit, ne vois-tu pas que l'habit, le vêtement, dans l'interprétation des rêves, comme par exemple le qamis, montre la religion, ou indique la religion d'une personne. Ici, la parole d'Ibn al-Qayyim est construite sur un hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lui-même interprété la vision du qamis sur une personne comme étant la religion. Lorsque les compagnons lui ont demandé, comment interprètes-tu cela ? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion. C'est l'interprétation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'habit que tu vois sur une personne ou que tu vois sur toi-même dans le rêve. Il dit, donc, Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire lorsque cet habit est long ou cet habit est court, donc qui montrera le peu de religion d'une personne, de son intérêt et son plus de religion, ou sont plus de religion, de même que la propreté de la saleté de ce vêtement et autre que cela. Tout ceci indique la religion d'une personne et la science d'une personne. Et Ibn al-Qayyim d'expliquer après cela en disant que la corrélation qu'il y a entre le vêtement et la religion est que ces deux choses-là protègent et couvrent une personne et l'embellissent. Comme le qamis couvre la nudité d'une personne et l'embellit, comme cela la religion et la science en religion couvrent l'âme d'une personne, de même que son cœur, et l'embellissent aux yeux des gens. Il nous parle après de al-laban, c'est-à-dire le lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, pareil dans le sahih de l'imam al-Bukhari, a interprété le lait en vision, dans sa propre vision que lui-même avait vue, le lait comme étant la science. De même que le lait est interprété comme étant al-fitra, c'est-à-dire la saine nature. Et autre que cela. Et Ibn al-Qayyim après nous dit que ceci sont des règles générales concernant at-ta'bir, concernant l'interprétation des rêves. Et parmi ces règles générales, il y a par exemple le fait que tout récipient contenant de l'eau ou pouvant accueillir de l'eau, ceci montre les biens, que ce soit une maison, ce qui meuble la maison, l'intérieur de la maison, etc., etc. De même que tout récipient qui contient des biens, de l'argent et autres que cela, comme par exemple un coffre-fort, etc., etc., ceci montre le cœur. Ceci sont des règles générales. Ceci sont des règles générales. Puis il dit, et de manière générale, tout ce qui a été évoqué, qu'il a évoqué précédemment et que nous avons évoqué même pendant la khutba d'aujourd'hui, lui, tout ce qui est évoqué comme parabole dans le Coran, comme exemple et parabole dans le Coran, tout cela tient compte de règles général et de fondement de la science, de l'interprétation des rêves, ceci pour celui qui arrive à argumenter, qui a une connaissance de l'argumentation de celle-ci, c'est-à-dire de ces paraboles et de ces exemples donnés dans le Coran. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Ce sont des règles de base, ces paraboles et ces exemples dans le Coran, mais ceci pour la personne qui saura argumenter d'après elle. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, celui qui comprendra le Coran d'une bonne compréhension sera la personne qui pourra interpréter les rêves de la meilleure des interprétations. Et les fondements de l'interprétation des rêves véritables et véridiques et authentiques sont celles qui sont prises de la source du Coran, dont sont celles qui puisent leur source dans le Coran. Puis il détaille à cela. Ceci est très important de voir certaines règles générales concernant l'interprétation des rêves. Je termine par deux choses, excusez-moi. Une autre chose, à chaque fois je dis, je termine par cette chose, il y a encore quelque chose derrière. Deux choses. Lorsque la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, lorsque tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, il y a plusieurs ahadiths qui ont été rapportés à propos de cela. Nous voyons ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, dans le sens de ses paroles bien sûr, celui qui m'a vu en rêve, celui-là me verra éveillé. Car Al-Shaytan ne prend pas ma forme. Et l'imam al-Bukhari a dit, Ibn Sirin, donc Mohamed Ibn Sirin a dit, celui qui l'a vu sous sa forme réelle. Ici l'interprétation ou l'explication de Mohamed Ibn Sirin parmi les grands suiveurs, rahimahullah ta'ala, qui dit celui qui l'a vu sous sa forme réelle. Et ceci est une condition. Lorsqu'une personne te dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, tu l'orienteras vers la connaissance de ce qui a été rapporté de manière authentique sur la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas te contenter d'avoir vu une personne qui, par exemple, a un bel aspect, porte un beau chemise blanc avec une belle barbe blanche et qui parle avec des belles paroles et qui te dit ceci ou cela pour dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient ici. Ou une personne qui dit, je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Et tu dis, Shaytan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne prend pas sa forme. Mais Shaytan est un grand menteur sans aucun doute. Et il peut mentir en disant qu'il est lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci lorsqu'il ne se fait pas passer, lorsqu'il ne vient pas sous sa forme réelle, comme l'a dit ici Mohamed ibn Sirin. Lorsque la personne qui vient est sous la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette personne qui l'aura vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se fera la bonne annonce de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Celui qui m'a vu en rêve, me verra et réveillé, me verra éveillé. Et les savants ont expliqué cette parole et ce hadith selon ces différentes versions de différentes manières. Ils disent ceci est propre à ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit que ceci est une bonne annonce pour la personne qu'il fasse partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il mourra sur cela. C'est-à-dire qu'il le verra « yom al-qiyama ». Et certains ont dit qu'il le verra d'une manière, celui qui l'a vu en rêve. Parmi les musulmans, il le verra « Yom al-Qiyama » au jour du jugement, d'une manière autre, d'une manière avec un surplus d'attention que les autres personnes de la communauté qui ne l'ont pas vu en rêve. Toutes ces paroles sont des paroles qui ont été données par les gens de science et de manière générale, nous savons qu'il est possible de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, mais ce n'est pas toute personne qui viendra sous une apparence pieuse. De même, toute personne qui te dira « Je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam » que ceci sera une vérité. Plutôt, il t'appartient donc de faire un retour sur toi-même. Est-ce que tu connais réellement la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après les textes authentiques ? D'après les textes authentiques. Et ceci, bien sûr, après, lorsque tu verras le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pourras juger est-ce que cette personne que tu as vue est réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Par contre, une personne qui ne connaît rien de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et te dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, nous ne démentons pas le fait qu'il est possible qu'il l'ait vu, mais tu ne dois pas affirmer que tu l'as vu car tu ne connais pas la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne l'as pas étudié. Et donc ça c'est la dernière des deux choses. La dernière des choses que je voulais évoquer ici avec vous, le danger de mentir sur le rêve que tu aurais éventuellement, sur un rêve que tu aurais éventuellement vu. Certaines personnes mentent sur une chose qu'ils auraient peut-être vue en rêve. Et ceci est un grand péché. Il y a à propos de ceci une menace évoquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens de ses paroles, celui qui ment sur un rêve qu'il aurait vu, c'est-à-dire qui feint d'avoir vu un rêve alors qu'il ne l'a pas vu, celui-là, il lui sera demandé, et ce sera un châtiment pour lui, il lui sera demandé de nouer entre deux graines d'orge. De nouer, de prendre deux graines d'orge et de nouer entre ces deux graines d'orge. Sans aucun doute, il ne pourra pas faire un nœud avec ces deux graines d'orge. Tu peux faire un nœud avec deux graines d'orge. Il te sera demandé de faire ceci, et ce sera un châtiment pour toi, tu seras châtié par cela. Ceci montre que ceci est un grand péché, de mentir en disant « j'ai vu telle chose la nuit dernière ». Que ce soit la chose qui est évoquée, une vision pieuse, ou autre chose pour alimenter des discussions entre les gens, des discussions futiles, tout ceci est interdit et rentre dans les grands péchés. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.